Les nuits de France Culture, nuit Vladimir Nabokov, nuit commencée en compagnie d'Agnès Edelroy et Yannick Chupin, venu nous parler d'un ouvrage publié aux presses universitaires de Strasbourg, Vladimir Nabokov et la France, lequel ouvrage reprend en français et en anglais différentes interventions d'un colloque international de la Société française Vladimir Nabokov organisé à la Sorbonne il y a quelques années. Nous avons pu suivre une adaptation du roman L'Enchanteur, ce roman russe puis traduit en anglais par le fils de Nabokov et traduit en français par Gilles Barbedette par les éditions Rivage. C'est une réalisation de Catherine Lemire. Puis Le Pays d'ici à Montreux a suivi en deux parties. Nous venons d'entendre la deuxième partie et auparavant, au cours de cette nuit, Vladimir Nabokov, nous avons pu entendre Bénédicte Benten, l'une des intervenantes du colloque, qui a été l'auteur de l'un des articles de l'ouvrage Vladimir Nabokov et la France, donc article ayant pour titre Le français, langue de la séduction fallacieuse dans l'œuvre de Vladimir Nabokov, une esthétique de l'ambiguïté. Alors on aura pu également entendre une lecture, deux lectures en fait, de Nabokov, Ici on parle russe et La sonnette par Éric Genevèze et François Martouret. Et plus tard dans la nuit, nous pourrons suivre un entretien de Maurice Couturier, grand nabokovien devant l'éternel, avec Catherine Pontimbert pour l'émission Le Cabinet de Curiosité. Et le sujet de cet entretien, c'est Lolita, entre innocence et perversité. Ensuite, une interview de Dimitri Nabokov au micro de Roger Vrigny. C'était dans Lettres ouvertes en 1992, alors que paraissaient les lettres choisies 1940-1977 chez Gallimard. Des lettres de Vladimir Nabokov, faut-il le préciser. Et cette nuit s'achèvera par une lecture brillante par Philippe Boyer du roman Ada, Ada ou l'ardeur, chez Fayard, dans les Nuits magnétiques. Cette émission a été diffusée en 1990. Bonsoir, Laure Troubetskoy. Bonsoir, Philippe Garbi. Alors, vous êtes venu nous voir dans les Nuits de France Culture. Et il y a quelques semaines, c'était au moment du Salon du Livre de Paris qui avait pour pays d'invité d'honneur la Russie. Et puis, nous avions profité de vos lumières et de celles d'Hélène Mella pour aborder la production contemporaine très, très riche, mais dont nous sommes peut-être moins familiers qu'avec celle du 19e et du 20e siècle. Alors, vous avez toute votre place, Laure Troubetskoy, dans cette nuit Nabokov, car vous avez traduit du russe et de l'anglais les lettres Avera que viennent de publier les éditions Fayard, édition établie par Olga Voronina, je prononce normalement, ça c'est pas très difficile, et Brian Boyd aussi, à qui l'on doit la fameuse biographie consacrée à Vladimir Nabokov en deux tomes, publiée par Gallimard il y a quelques années, une vingtaine d'années je crois, les années russes. Puis les années américaines. Vous-même, Laure Troubetskoy, quel est le Nabokov que vous préférez, celui, si cette question a un intérêt, le Nabokov russe ou le Nabokov anglais? Oh, ça n'est pas vraiment une question de préférence, mais il est vrai qu'en tant que spécialiste de littérature russe, je connais évidemment beaucoup mieux le Nabokov russe, qui pendant tout un temps a été presque ignoré dans ma jeunesse, par exemple en Sorbonne, en littérature russe, on n'enseignait pas Nabokov. Nabokov était longtemps un écrivain américain, l'auteur de Lolita, et on l'a véritablement redécouvert, toute cette étendue de romans, de nouvelles, de poèmes aussi russes, sans lesquels évidemment Nabokov n'est pas Nabokov. Je précise à propos de cette correspondance que Lettre à Vera, que toutes les lettres de Nabokov sont écrites en russe. Sauf donc, une petite carte postale. Oui, voilà, un tout petit mot. C'était des petites cartes postales ou même parfois des petites fiches sur lesquelles il écrivait un mot joint à un bouquet de fleurs tout à fait à la fin de leur vie. Mais les lettres proprement dites sont toutes en russe. Et ce qui est traduit de l'anglais, c'est ce qu'on appelle l'appareil critique, c'est-à-dire l'introduction de Brian Boyd, les notes. Vous avez un corpus de notes absolument extraordinaire qui identifie toutes les personnes mentionnées dans les lettres, alors qu'elles sont parfois désignées juste par des initiales. Ou des surnoms amusants. Oui, des surnoms, des diminutifs, puisque en russe on utilise beaucoup les diminutifs. Et donc ça, c'est un travail énorme qu'ont fait Brian Boyd et Voronina, et ça, c'est traduit de l'anglais. Voilà. Là, je disais qu'il y avait une carte postale qui n'était pas en russe. Et alors, c'est en 1974, c'est le 5 janvier 1974. Elle a été écrite à Montreux, sans doute déposée sur la commode ou le lit conjugal dans l'hôtel de Montreux. C'est Happy Birthday, My Darling. Je sais pas si c'est celle-là où il écrit qu'il a mal au pouce. Ouais, parce qu'il y a une autre petite carte. Parce que ce qui est très beau dans cette édition, c'est qu'on voit l'écriture de Nabokov. On voit aussi quelques dessins, on voit des photos. Et donc ça aide aussi comme ça à s'immerger dans la vie, dans cette vie, alors américaine, puisque la partie la plus importante de la correspondance, c'est évidemment l'époque où il ne vit pas en permanence avec Vera, où il voyage, il va donner des cours. Oui, alors évidemment c'est un peu frustrant parce qu'il y a des années entières où on n'a rien, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas séparés. Et ils se séparent de moins en moins. Donc, j'ai pas compté les proportions, mais enfin une grosse proportion des lettres a été écrite pendant la période européenne, Berlin, ensuite Paris, et on a quand même quelques groupes de lettres pour la période américaine, dont certaines sont tout à fait savoureuses. Lorsqu'il fait des tournées dans les universités des États du Sud, pour gagner un peu plus d'argent. Alors on aura compris que Vera c'est l'épouse de Nabokov, mais avant de venir vraiment à la rencontre, parce que cette correspondance nous renseigne évidemment sur la vie commune, avant même la vie commune, la rencontre, l'amour entre les deux. Il faudrait que vous nous disiez, leur Troubetskoy, quand même, quels sont les premiers romans de Nabokov que vous avez lus? Que j'ai lu ou qu'il a écrit? Non, que vous avez lu. Ah, que j'ai... Oh, ben c'est... Je crois que le premier roman que j'ai lu en russe, c'était La Défense Loujine. Et j'ai été absolument éblouie parce que il a une écriture d'une richesse, d'une souplesse qui est absolument fascinante. Et ensuite, j'ai remonté un peu le temps, j'ai lu Mashenka, je saurais pas vous dire dans quel ordre, mais c'est tout l'ensemble des romans qui va de son premier roman... Mashenka, qui est paru en 26 à Berlin, et jusqu'au Don, qui est son dernier roman complet en russe, qui est paru avant son départ pour les États-Unis. Mais vous lisiez alors, vous étiez en France, leur Troubetskoy, vous lisiez les romans, comment retrouviez-vous les romans en russe? C'était pas toujours facile, parce qu'à l'époque, ils étaient publiés en russe par la maison d'édition Ardis, une maison d'édition américaine, dirigée par deux universitaires américains, qui ont fait beaucoup pour faire découvrir aux États-Unis et aussi en Europe la littérature russe qui n'était pas publiée à l'époque en Union soviétique. Et je me souviens avoir dû photocopier certains romans pris en bibliothèque parce que on pouvait pas les acheter. C'est interdit tout ça, photocopier, non? Non, en bibliothèque en France. C'était il y a longtemps. Bon, alors, Lord Troubetskoy, cette édition donc des lettres à Vera commence par quelle est la première lettre, qu'est-ce qui va faire que ce couple va durer finalement, parce qu'il dure peut-être aussi parce qu'il y a l'écriture, parce qu'il y a une correspondance. Oui, d'autant plus que ils se sont rencontrés, comme on le sait, lors d'un bal masqué, d'une soirée de charité à Berlin, dans les milieux de l'émigration russe. Et peu après, il est parti travailler comme ouvrier agricole dans une ferme dans le midi de la France. Et c'est là qu'il lui écrit ses premières lettres. D'ailleurs, elle lui a écrit, ce qui est tout à fait étonnant, parce que Vera était quelqu'un qui avait un fort caractère, mais qui était en même temps discrète et effacée. Mais là, après cette rencontre qui semble avoir été magique, elle lui écrit et il lui répond. Et là, c'est le premier groupe des lettres d'amour qui sont absolument superbes et qu'il écrit donc du midi de la France. Et vous avez ces phrases comme « Tu es arrivé dans ma vie comme on arrive dans un royaume où toutes les rivières attendaient ton reflet et les routes tes pas ». On aimerait bien recevoir des lettres comme ça. Et en même temps, dans ces lettres, il évoque un petit peu ce midi de la France où il est incognito, si j'ose dire. En fait, il n'est pas encore connu. Mais enfin, c'est pour lui tout à fait une autre identité. Et par exemple, il écrit dans un petit restaurant du port de Marseille. Il a travaillé aussi un petit peu comme docker au port. Et il dit, voilà, il décrit le cadre, la nappe avec des taches de borscht. Oui, c'est un petit restaurant russe. Des mouches, l'odeur aigrelette du port qui vient de l'extérieur. Et il est là parmi tous ces dockers, enfin, les Russes émigrés pauvres qui mangent. Et il dit, et quand je pense que j'ai porté des nœuds papillons et des chaussettes fines, que je connais Ronsard par cœur et tous les noms des os du crâne, c'est étrange. Les nœuds papillons, on est déjà dans la... voilà. Est-ce qu'il chasse le papillon en France ? En France, certainement, notamment dans les Pyrénées, mais c'est vrai que dans la première période, il est moins question de papillons que par la suite, où ce sera une véritable passion. Ce qu'il parle, alors évidemment, ce qui est intéressant dans les lettres à Vera, c'est évidemment ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui le très contemporain, mais aussi il revient parfois sur son enfance, parce qu'il est déjà venu en France, par exemple, avec ses parents. Oui, il parle par exemple, ils ont le projet d'aller à Biarritz, mais finalement ça convient pas. La santé de Vera, et puis surtout, ils n'ont pas assez d'argent. Et il évoque, mais très brièvement, ses souvenirs d'enfance d'un séjour à Biarritz qu'il avait fait avec ses parents. Il parle même des gaufres énormes qu'on vend là-bas et qui ressemblent à des corsets. Et il parle des baigneurs de Biarritz qui aidaient les gens à se baigner, à passer la barre. Enfin, c'est des choses qu'on retrouvera beaucoup plus développées dans son autobiographie « Autre rivage ». Mais ce qu'il décrit surtout, alors c'est dans la série la plus longue de lettres qu'il lui écrit en 26, un an après leur mariage, lorsque Vera, qui à l'époque a une santé fragile, qui est très amaigrie, doit passer un mois ou deux, en fait elle en passera deux, dans une maison de repos en Forêt-Noire. Et là, quand elle est partie, ils sont donc jeunes mariés, elle lui a demandé de lui écrire tous les jours. Elle a même préparé un petit bloc-notes avec les dates écrites à l'avance en haut des feuilles. Et elle lui a fait promettre qu'il écrirait tout, y compris tous les détails. Comment il est habillé, ce qu'il a mangé, etc. Donc, incidemment, ça nous donne une idée... Pour un biographe, c'est extraordinaire, ça. Oui, ça nous donne une idée aussi de ce qu'on mangeait dans les pensions de famille allemandes dans les années 1920. Alors, je sais qu'il y a des lecteurs qui ont dit « Oh, quelle prétention, il est le centre du monde. » Mais non, il répond à une demande de Vera. Et évidemment, c'est tout à fait passionnant de voir comment il passait ses journées à l'époque. Alors à l'époque, il écrit, qu'écrit-il ? Alors il a commencé, d'ailleurs avant même l'émigration, alors qu'il était encore élève au lycée à Saint-Pétersbourg, il a commencé comme beaucoup d'écrivains russes par des poèmes. Et il continue à écrire des poèmes à cette époque-là à Berlin. Il en a d'ailleurs écrit toute sa vie, mais moins. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit dans les lettres la genèse de certains poèmes. Notamment, il y a des poèmes qui sont joints aux lettres et qui sont donc traduits dans le livre. Et il y a un poème qui s'appelle « Bruit doux » dont il raconte en détail comment l'idée lui est venue. Ça lui a été inspiré à la fois par le bruit de la pluie dehors, et par le bruit d'une chasse d'eau un peu détraquée qu'il entendait depuis sa chambre. Et ça se transforme en bruit de la mer, et il raconte comment il a l'idée évidemment d'abord du maître, c'est-à-dire dans le système syllabotonique russe, si ce sera des iambes, des trochées, etc. Il a ensuite l'idée où il dit « il y a un moment où je sais combien il y aura de strophes », sans les avoir encore écrites. Et alors il rédige certaines strophes, mais qui ne sont pas les premières, et il raconte comment il rend visite à de la famille, tout en continuant à composer dans sa tête, et il revient finalement, comme il dit, sonné par les contractions de ma muse, et là, il met tout au propre. Donc on suit toute la genèse de ce poème. Mais il écrit aussi des nouvelles. c'est sa principale production de cette époque-là, qui lui procure un revenu d'ailleurs, puisqu'il publie ses nouvelles et ses poèmes dans les journaux russes de l'immigration, notamment Roul, qui était le journal qui avait été cofondé par son père, assassiné en 1922. Mais il signe Nabokov ? Non, il signe Cyrine. C'est depuis 1921 qu'il a adopté ce pseudonyme qui d'ailleurs fait référence à l'univers de la poésie russe symboliste. Cyrine était un oiseau fabuleux du folklore russe. Il y en avait plusieurs. Il y avait Gamayoun qui est associé à la figure du grand poète symboliste Alexandre Bloch. Il y en avait d'autres qui étaient souvent des noms de maisons d'édition symbolistes, donc ça montre qu'à l'époque il est encore enraciné dans cette culture-là. Et donc Vladimir Cyrine, ce sera son nom de plume pendant toute la période européenne. Entre autres, sans doute, je crois qu'il a choisi de prendre un pseudonyme parce que son père s'appelait aussi Vladimir Nabokov. Son père était Vladimir Dmitrievitch et lui était donc Vladimir Vladimirovitch. Et comme son père était très connu dans l'émigration, qu'il était cofondateur du journal où ensuite Nabokov fils a publié, donc voilà. Et puis il a été assassiné. Oui, il est assassiné par des émigrés russes d'extrême droite qui l'accusaient d'être trop libéral parce que son père était un homme politique de premier plan. Et l'assassinat a eu lieu dans une salle où Miliukov, qui était le chef de file du parti cadet, c'est-à-dire des libéraux russes, devait faire une conférence. Les deux assassins lui ont tiré dessus et Nabokov père s'est interposé, c'est lui qui a pris la balle. Alors, Laure Troubetskoï, dans cette édition des Lettres à Vera, enfin cette édition, il n'y en a qu'une, c'est la définitive, à moins qu'on retrouve une petite carte postale écrite en français, peut-être, non ? Rien n'est écrit en français ? Non, il y a des petits mots en français, des phrases en français dans le texte. Oui, comme dans les romans. Mais non, il a écrit en français, il a écrit deux œuvres en français, puisque ce qui est passionnant, c'est qu'on voit dans les années 1930, où à la fois l'un des assassins de son père qui avait fait de la prison, se retrouve chez les nazis en charge de l'émigration russe en Allemagne. Donc c'est tout à fait traumatisant et Vera pense qu'il est en danger, elle l'incite à aller à Paris, essayer de trouver un point de chute. Et puis Vera est juive russe, donc c'est très dangereux pour elle aussi. Donc il essaie de trouver un point de chute, principalement en France, mais aussi en Angleterre. Il y a des lettres écrites d'Angleterre, où il était allé depuis Paris, où on le voit désespérément chercher un poste d'enseignant à l'université, il fait des dossiers de candidature, il fait du lobbying, certaines personnes lui promettent leur aide, mais finalement ça n'aboutit à rien. Et en fait, ils n'ont, ses droits d'auteur pour ses romans, c'est pas énorme, ils n'ont pas un sou. Et il a toujours beaucoup d'humour, il a toujours une façon très vive, incisive de décrire les choses, mais on sent derrière tout ça une situation très stressante. Et donc, il va se mettre à écrire dans deux langues étrangères, mais enfin qu'il connaît bien, le français, et ce sera la nouvelle Mademoiselle O, l'histoire de son ancienne gouvernante, non pas française, mais suisse, mais enfin francophone, et un article sur Pushkin, qu'il a écrit en 37 à l'occasion du centenaire de la mort de Pushkin, qui s'appelle Pushkin ou le vrai et le vraisemblable. Et avant de quitter l'Europe, il va aussi commencer son premier roman en anglais, qui sera The Real Life of Sebastian Knight, la vraie vie de Sebastian Knight. Alors il y a là toute la période américaine, Laure Troubetskoï, et c'est celle qui nous offre finalement le plus grand nombre de lettres, parce que non, vous trouvez pas ? Quantitativement, non. Il y a beaucoup moins de lettres de la période américaine que de la période européenne. Voilà. Alors, oui, mais par rapport, je pense à la suite suisse, où vraiment on est un peu frustré parce qu'en effet on a rien. Mais en tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'il découvre l'Amérique pour le coup, Vladimir Nabokov. Et il y a une lettre assez amusante. Évidemment, il va d'université en université, donner des cours parce que pour gagner sa vie. Et il écrit à Vera, comme il n'avait pas de photographie de moi, le collège s'attendait à un monsieur avec la barbe de Dostoïevski, la moustache de Staline, le pince-nez de Tchekhov et une chemise russe à la Tolstoï. Ah, c'est une lettre absolument désopilante. Je crois d'ailleurs que c'est la plus longue lettre de tout le recueil. Il l'a écrite sur 2 jours. Et donc, il a une espèce d'agent qui lui a organisé ses tournées de conférences. C'est une nouvelle en soi. Oui, c'est à Hartsville. Et il y a une espèce de quiproquo. On doit venir l'attendre, mais la personne ne vient pas. Il débarque dans un hôtel où il croit qu'il a son rendez-vous, mais il ne trouve personne. Ouais, c'est extrêmement drôle. Et en même temps, ça rappelle un petit peu Pnin, le roman Pnin de la période américaine, qui a pour héros un émigré russe qui enseigne à l'université, mais qui est un peu un anti-Nabokov parce qu'il est empoté, malchanceux, il a jamais réussi à apprendre correctement l'anglais. Et Pnin commence par cette scène où le héros est dans le train, il doit aller prononcer une conférence quelque part, et il y a ce même quiproquo. Mais là, Pnin s'est trompé de train, il a pas pris le bon texte. Et il n'est pas accueilli par un million de papillons et un million d'ovations, comme dit Nabokov à Vera. Oui, alors Nabokov a toujours eu un énorme succès. Il en parle plus directement dans la période russe parce que c'est ses débuts. Il en est lui-même absolument ravi. Et par la suite, il écrit lui-même qu'il a relu ses lettres des années précédentes et que il a été choqué de voir que ce qu'il écrivait semblait être une espèce de signe d'autosatisfaction. Donc il a décidé d'être plus modeste dans la relation de ses succès. Mais il n'a rien brûlé. Il n'a pas brûlé certaines lettres. Ce qu'on ne voit pas, évidemment, ça, il faut le savoir dès le début, c'est les réponses, s'il y en a, de Vera. Elle a détruit ses lettres par une espèce d'excès de modestie. Donc, effectivement, on n'a pas les lettres à Vera. Elle écrivait beaucoup moins, d'ailleurs. C'est un leitmotiv des lettres, surtout de l'époque européenne. Il lui reproche toujours d'écrire trop peu. Singelet, appelle-t-il. Écris-moi Singelet. Enfin, il y a des dizaines de petits surnoms comme ça, jouant entre le russe, j'imagine, et l'anglais, mais peut-être le français aussi. Tellement le français, mais il y a aussi d'ailleurs toutes sortes de calembours bilingues. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est plus tard quand il parle de Mickey Mouse, il lui donne un nom latin comme si c'était un papillon. Il s'appelle Mousse Disney. Et tous ces petits noms, effectivement, c'est la caractéristique des lettres de 26. Et pour la distraire, parce que finalement l'endroit où elle a atterri n'est pas bien, il fait pas beau, enfin elle déprime, et donc il lui envoie aussi toutes sortes de petits jeux, de petits des mots croisés, parce que Nabokov était aussi un grand spécialiste des mots croisés. Il avait d'ailleurs inventé un mot en russe pour désigner les mots croisés, qui n'a pas été retenu en Union soviétique, on les appelle crossword, tout simplement. Il lui envoie des petits labyrinthes, des petits rébus, et il invente tout ça pour elle. Et justement, certains de ces petits jeux sont reproduits dans l'édition. En tout cas, Laure Troubetskoï, vraiment, on se régale dans ces lettres à Vera, parce que elles sont... Alors, il y a des informations qui sont intéressantes pour l'amateur de Nabokov, mais il y a aussi vraiment des passages qui sont des... Je l'ai dit, des petites nouvelles, enfin des moments passionnants, enfin littéraires, quoi, tout à fait. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que ça soit, qu'il y ait une correspondance plate. Ce serait impossible. Et ce qui est formidable, c'est que ça soit une correspondance et non pas un journal intime. C'est-à-dire que si ça avait été un journal intime, parce qu'il y a les écrivains tiennent leur journal intime ou non, et puis ce n'est pas le cas de Nabokov. Et là, il serait peut-être plus senti je l'écris pour la postérité, alors que ces lettres, elles sont réjouissantes parce qu'elles sont encore une fois très, très bien écrites et très amusantes ou très, très, très sentimentales, mais il y a une grande liberté. Oui, et effectivement, peut-être que par la suite, il s'est dit tout à fait à la fin que ses lettres passeraient à la postérité, mais évidemment, les premières décennies, il n'a pas du tout ça en tête. Et c'est la communication que l'on sent avec Vera, même si on n'a pas ses lettres à elle, leur complicité. Et il est très taquin, il est très facétieux par moments. Des facéties multilingues, oui. Vous dites. Oui, oui, oui. Et oui, parfois ils s'amusent à traduire mot à mot des expressions russes en français. Comment regardes-tu sur cela pour dire qu'en penses-tu ? Il écrit aussi pas mal en anglais. Enfin, je veux dire, il insère des phrases en anglais. Et puis il y a même des noms de code, par exemple papillon, c'est le papillon, mais ça peut parler d'argent aussi. Oui, alors pour une raison qu'on ne comprend pas très bien, il désigne en nom de code les sommes qu'il a gagnées lors de ses conférences en France, en Belgique et en Angleterre. Sans doute parce qu'il a peur que les lettres soient ouvertes et qu'on lui demande des impôts ou quelque chose comme ça. Donc, par exemple, en Belgique, il appelle les francs belges des Semyon Ludvigovic. Parce que Semyon Ludvigovic, c'est le prénom patronyme d'un philosophe russe qui est établi à Bruxelles. Donc, elle comprendra. Il envoie aussi de l'argent à sa mère qui vit avec de très très maigres revenus à Prague, ce qui nous vaut aussi des lettres de Prague. Et il désigne les sommes, donc c'est des couronnes tchèques, par papillon, feuillet, feuille de traduction, page de traduction. Donc il y a aussi tout ce côté-là, et on sent entre eux une très grande complicité, ce qui pose parfois des problèmes parce que ils se comprennent à demi-mot. Oui, des passages obscurs, mais ouais. Après tout, peu importe, ils restent obscurs ces passages. Ils sont très assez rares, mais signalés, et puis voilà, on peut imaginer ce que l'on veut. Ou alors, il faut vraiment que le hasard vous ait fait connaître un détail auquel il fait allusion. Par exemple, Borenboy de Varonina avait calé sur une phrase à propos de Berdiaïev. Berdiaïev a pris la parole, périodiquement interrompue par sa propre langue. Or, dans ma belle famille, il y avait une tante qui avait connu Berdiaïev à Paris, à Clamart à l'époque, et qui m'avait raconté que Berdiaïev souffrait d'un tic nerveux qui faisait qu'il tirait la langue régulièrement. Et un jour, elle l'avait rencontré avec son fils qui était petit, elle était dans ses petits souliers parce qu'elle avait peur que le fils dise « Ah maman, le monsieur bon, !» Donc évidemment, je m'en étais souvenue. Et c'était l'explication. Mais bon, ça c'est... Que vous avez pu signaler à Brian Boyd. Oui, voilà, parce qu'on a eu toute une correspondance et le traducteur allemand s'y est mis aussi. Donc c'était très amusant, cette correspondance à trois sur des points qui résistaient. Et pour les traductions, Lord Trubetskoy, de la poésie, c'est, quel est le choix? Parce que quand on traduit un poème russe, qu'est-ce qu'on cherche à retrouver la rime? Non. Donc, c'est des poèmes de facture classique qui respectent les règles du système syllabotonique russe. J'entre pas dans les détails. C'est des poèmes qui sont un peu sentimentaux, ceux des débuts. Je pense que... qui explique beaucoup de choses dans l'évolution de Nabokov, notamment tout ce côté noir de certains de ses romans comme Rire dans la nuit, c'est que le danger qu'il menaçait, c'était la nostalgie et cette vision sentimentale de la Russie perdue, qui était celle de beaucoup d'écrivains de l'émigration, et qu'on sent encore beaucoup dans ses poèmes. Donc le choix, c'est pas de rime parce que ça fait des vers de mirliton. Enfin, d'abord, je suis pas spécialiste de traduction poétique. Il faut trouver quand même un rythme. J'ai essayé de choisir un rythme en français, en général des décasyllabes, parce que l'alexandrin, c'est trop long, c'est trop connoté ronflant pompeux, et en plus on flotte dedans. Des décasyllabes au plus près de l'expression russe. Alors vous-même, vous avez été professeur littérature russe, civilisation russe, langue russe, dans les débuts, tout, parce que quand on arrive jeune enseignante, j'ai même été assistante au début, c'est une catégorie qui n'existe plus, dans une université de province, qui était mon cas à Lille, on vous fait faire tout ce qu'il y a attribué, ce que les autres ne font pas. Mais ma spécialité, c'est la littérature russe, et j'ai pu ensuite m'y consacrer pleinement, y compris dans l'enseignement. enseignement. Et donc... Et la place de Nabokov, alors, pour vous, oui, au XXe siècle, c'est un des plus grands? Non, je ne fais pas de hiérarchie. Pas dans la catégorisation. J'ai beaucoup travaillé aussi sur Bulgakov, qui est très différent. Je sais que Nabokov a lu Le Maître et Marguerite, mais malheureusement, je ne sais pas ce qu'il en a pensé. Et j'avais demandé à Dimitri, qui m'a dit que... Oui, il l'avait lu, mais qu'il ne savait pas. Je ne pense pas que Nabokov avait beaucoup apprécié. Et il avait la dent dure pour les autres écrivains. En tout cas, merci Laure Troubetskoï. Donc, Les Lettres à Vera, Vladimir Nabokov, édition établie par Olga Voronina et Brian Boyd, publiée chez Fayard. Et surtout, pour nous et pour notre grand plaisir, les lettres traduites du russe et un tout petit peu de l'anglais, en tout cas beaucoup de l'anglais pour ce qui concerne l'appareil critique. C'est donc publié chez Fayard. Merci Laure Troubetskoï. La nuit, Vladimir Nabokov continue. Il va être question de Lolita. On va entendre ensuite un entretien que Dimitri Nabokov avait accordé à Roger Vrigny. Et puis on terminera avec Ada, le roman des manuscrits. C'est une nuit magnétique pour laquelle Philippe Boyer relisait Ada, diffusée pour la première fois sur France Culture en 1990.